non, mon petit François, ça n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut jouer ce morceau. Mais qui est-ce qui parle ? C'est moi, le piano. Mais qui êtes-vous ? Je viens de te le dire, le piano, et je suis l'âme d'un très vieil instrument. Et je cherche un ami, vois-tu ? Un ami à qui transmettre un enseignement et qui profiterait de ma vieille expérience. Veux-tu être cet ami ? Je veux bien. Alors je vais te raconter une belle histoire. Laquelle ? L'histoire d'un petit garçon qui avait ton âge, justement, ton prénom, et de beaux cheveux longs comme les tiens. Il s'appelait François ? Oui, mais comme il était de nationalité hongroise, on disait plutôt Franz, tu comprends ? Franz Liszt. Et qu'est-ce qu'il est devenu, ce petit garçon ? Oh, il est devenu un grand musicien. Comme Chopin ? Oui, bien sûr. Et comme Chopin, c'est même vers sa sixième année qu'il a eu la révélation de ce qu'il pouvait faire. Ses parents ne lui interdisaient donc pas de toucher au piano ? Ah, bien au contraire. C'est même en entendant son papa jouer du piano qu'il fut conquis. Le père était musicien par vocation et il était aussi intendant du prince Esterhazy par nécessité. Il interprétait un concerto de Beethoven. Et auprès de lui, Franz, le petit Franz, écoutait les voix qui sortaient de la caisse d'ébène. Et le soir même, à table, il chanta devant ses parents étonnés les principaux thèmes de ce qu'il avait entendu l'après-midi. De mémoire ? Oui, de mémoire. Et même sans se tromper une seule fois. Aussi, quand on lui demanda plus tard à qui il voulait ressembler, il répondit à celui-là, en montrant une lithographie de Beethoven qui était accrochée au mur. Et après ? Après, eh bien, après, le petit Liszt prit des leçons. Et dès la dixième leçon, d'ailleurs, il ne subsista plus dans l'esprit de son père aucun doute. Le gamin, c'était un gamin, tu sais, pouvait courir la carrière de Mozart. On ne pouvait pas l'arracher du piano. Il passait des heures à faire des gammes, il comprenait tout à demi-mot, il transposait d'un ton dans l'autre, et tout cela sans la moindre hésitation. Et tu l'as connu, toi, ce petit garçon ? Oh oui, les pianos connaissent tout. Et c'est même sur mon clavier qu'il a fait ses gammes. C'était le bon temps. Et puis, vois-tu, un peu plus tard, il était encore très jeune, il fut le témoin d'un grand rassemblement de bohémiens nomades. Et les chants et les danses de ces virtuoses errants eurent sur lui beaucoup d'influence, beaucoup, si l'on en juge par la beauté et le pittoresque des rhapsodies hongroises qu'il composa plus tard. Thank you. Nous voici maintenant, mon petit François, au 26 novembre 1828. Le petit Franz donne son premier récital officiel dans les salons du château de Presbourg et devant le prince Esterhazy. Et l'étonnement est général. Et sais-tu que lorsqu'on apprend que le père de Franz ne possède pas les moyens de faire donner à son fils une éducation musicale complète, toutes les bourses s'ouvrent et la famille Liszt peut alors aller s'établir à Vienne. À Vienne? Oui, parfaitement, à Vienne. À Vienne, où Charles Czerny, qui est un illustre pianiste, insiste pour que ne lui soient plus payées les leçons qu'il donne à Franz. Pourquoi? Parce que les progrès du petit, en si peu de temps, ont, dit le professeur, largement payé sa peine. Et ces progrès l'amènent à auditionner, sais-tu devant qui? Devant son idole, devant Beethoven. Il a joué devant Beethoven? Oui, le troisième concerto en ut mineur. Sais-tu, François, ce que dit Beethoven après avoir entendu Franz pour la première fois? Il dit « Diable de gamin, en voilà un drôle. Va, tu es un heureux et tu rendras heureux d'autres gens. Il n'y a rien de plus beau. » Et le 13 avril suivant, parmi les 4000 auditeurs de la Redoutenschale, une très grande salle de concert, Beethoven était encore là pour entendre Franz interpréter le concerto de Hummel et une fantaisie de sa composition qui devait devenir bien célèbre, la fantaisie hongroise. Et vois-tu, à peine Franz Liszt a-t-il achevé au milieu de l'enthousiasme cette fantaisie hongroise que Beethoven, qui est pourtant le vieux roi de la solitude, s'élance sur l'estrade, le saisit et l'embrasse sur le front. Eh ben, dis donc. Dès lors, le chemin de la gloire est ouvert à Franz Liszt. La famille, grâce aux recettes considérables des deux concerts, quitte la capitale autrichienne pour Paris, où elle arrive en décembre 1823. Et les salons s'ouvrent. Et Franz joue chez la duchesse de Berry, chez le duc d'Orléans. La fortune lui sourit. Il touche 2000 francs par concert. 2000 francs? Oui, 2000 francs or. Pourtant, tout ne va pas tout seul. Et à son arrivée à Paris, l'entrée du conservatoire lui est interdite. Et pourquoi donc? Parce qu'il est étranger. Par la suite, la vie mondaine, les voyages, les études, tout cela compromet gravement sa santé. N'oublions pas que Franz Liszt était né chétif. Alors son père décide, sur la recommandation d'un médecin, de l'emmener à Boulogne pour une cure de grand repos. Et là? Et là, eh bien, sa santé s'améliore rapidement. Malheureusement, c'est son père qui meurt. Et il revient alors à Paris, où il retrouve sa mère. Il vend son beau piano de concert, il meuble un logement modeste rue Montaulon et se met à donner des leçons. Et parmi ses élèves, il y a une demoiselle de Saint-Cricq qui attire son attention. Elle a 17 ans, elle est mince, elle est brune, elle a des yeux violets et tristes. C'est très rare, les yeux violets. Et elle s'appelle Caroline. Ils se marièrent ? Non, mais leur idylle ingénue fut belle et courte. Le père de Caroline s'était opposé à leur bonheur. Oh, ce n'est pas juste. C'est en tout cas le sentiment de France, qui manifeste l'intention d'entrer dans les ordres. Heureusement, l'abbé Bardin, qui n'était pas seulement un connaisseur d'âme, mais aussi un amateur de musique, détourne le jeune Liszt de ce projet. Et puis, mon petit, nous sommes en 1830, c'est la Révolution, les événements vont vite, tout cela l'aide à oublier. La rue gronde, le tocsin sonne à Notre-Dame, Franz s'enflamme, pour Hugo, pour Lamennais, pour Lamartine, et pour la première fois depuis longtemps, il improvise dans un mouvement de fureur patriotique. Et Madame Liszt peut répondre à quelqu'un venu s'informer de la santé de son fils. Chut, écoutez, c'est le canon qui l'a guéri. En 1832, Paganini donne dans la grande salle de l'opéra son premier concert à Paris. Liszt arrive. Il interroge avec passion le visage de l'Italien dont on dit qu'il est une incarnation du diable. Et jamais virtuose n'a fait sur lui une impression aussi vive. Il traduit son émotion, son impression dans les 6 études d'après Paganini. Thank you. Liszt vient de vivre 2 années discrètes à Paris. Il fait la connaissance de l'abbé de Lamennais, il assiste au début toujours à Paris de Chopin, et à travers la symphonie fantastique de Berlioz, il découvre la musique descriptive. Cette révélation sera à la base des 12 poèmes symphoniques qu'il composera par la suite à Weimar et dont les préludes sont les plus célèbres. C'est à Fribourg, au cours d'un voyage avec Georges Sand et Marie Dagout, que Liszt visite la cathédrale et veut entendre l'orgue fameux construit par Moser. Il monte tout droit à la tribune et prend possession du clavier. Les années passent, la popularité de Franz Liszt ne cesse de s'accroître et à Paris, en 1836, a lieu son fameux duel avec Thalberg, qui était un autre virtuose. Ils se sont battus ? Oui, à coups de concert. Ah bon ? Et qui fut le plus fort ? Eh bien, l'opinion générale se trouva résumée par cette phrase d'une femme qui était une femme d'esprit. Thalberg, dit-elle, est le premier pianiste du monde. Oh ! Mais elle ajoutait aussitôt, Liszt est le seul. En 1837, Franz Liszt séjourne à Nohant chez Georges Sand. Là, il travaille à transcrire pour le piano les 9 symphonies de Beethoven. L'année suivante, ayant appris que le Danube, au cours de sa crue, avait inondé des centaines de villages hongrois et ruiné des milliers d'habitants, il reprend la route de l'Autriche et donne à Vienne, devant un public enthousiaste, 10 concerts au bénéfice des sinistrés. Et que joua-t-il ? Des œuvres de Schumann, qu'il aimait beaucoup aussi, et ses propres rhapsodies hongroises. Thank you. 1840, Franz Liszt rencontre Wagner pour la première fois, et il est bien loin de se douter que ce débutant Wagner deviendra plus tard son meilleur ami d'abord et son gendre ensuite. En 1845, nous retrouvons Franz Liszt à Bonn. Il est là pour l'inauguration d'un monument consacré à Beethoven, et c'est encore lui qui a réuni les 60 000 francs nécessaire à cela, en donnant 3 concerts à Vienne, à Paris et à Londres. Thank you. Dire que Weimar fut sans doute le seul endroit où il séjourna un peu longtemps. Il y fut pendant 12 ans directeur de la musique et pendant 12 ans le véritable artisan de la gloire de son ami Wagner, gloire qui peu à peu éclipsait la sienne. En 1856, nous retrouvons Liszt à Gran, en Hongrie, pour diriger devant l'empereur et devant 4000 auditeurs réunis dans la basilique sa première messe. Il a fait aussi de la musique religieuse ? Oui, beaucoup. Depuis longtemps, d'ailleurs, il est fatigué de sa gloire. Il est repris par cet élan de mysticisme qui déjà l'avait incité à prononcer ses vœux, 37 ans plus tôt. Ah oui, je me souviens, à cause de Caroline. À cause de Caroline. Mais cette fois, sa carrière est accomplie, sa mission est remplie, et rien ne l'empêchera, le 23 avril 1865, d'entrer dans les ordres mineurs. Et désormais, on ne verra plus Franz Liszt que lisant son bréviaire. Et la musique ? Oh, la musique, il ne l'oublie pas. Mais il la sert différemment, en composant par exemple les Béatitudes, ou une légende de Sainte-Élisabeth ou de Sainte-Cécile, un oratorio, un requiem. Autour de lui, pourtant, les amis disparaissent. C'est Rossini en 1868, Berlioz l'année suivante. Et lui, Franz Liszt, a 61 ans, est nommé directeur du nouveau conservatoire de Budapest. C'est là qu'il apprendra la mort de Wagner, la mort de celui qu'il aimait et admirait le plus au monde. Il a dû avoir beaucoup de peine. Oh, il a dit, le plus paisiblement du monde, il a dit, lui, aujourd'hui, mais demain. Et le lendemain ? Le lendemain ? Il entreprit sa dernière grande tournée européenne, à Weimar, à Budapest, à Florence, à Vienne, à Paris, à Anvers, à Strasbourg, à Munich, à Leipzig, à Presbourg, à Karlsruhe, à Budapest, à Londres et enfin à Bayreuth. Bayreuth, la ville musicale. Ce fut la dernière étape de Franz Liszt. Atteint d'une congestion pulmonaire, c'est là qu'il décédait, à 75 ans, le 31 juillet 1886.